La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Samuel Beckett est né en 1906 dans une famille de la bourgeoisie irlandaise. Homme proche de son père avec qui il parcourt les paysages des environs de Dublin, il noue avec sa mère une relation que certains psychanalystes décrypteront comme étant à la base de son œuvre. Mais si l'autobiographie est sans doute très présente dans ses textes, il est difficile pour les critiques de s'aventurer sur ce terrain glissant. Lui qui a souvent refusé de se confier et qui souhaitait que son œuvre ne soit lue que pour elle-même, c'est ce que nous a expliqué hier Nathalie Léger dans une émission à retrouver en podcast. Demain, nous nous arrêterons sur le théâtre de Beckett, dont Catherine Nogrette nous racontera comment il va vers toujours plus de dépouillement. Et enfin jeudi, nous nous intéresserons au rapport du dramaturge et écrivain avec les arts plastiques, la radio, la musique ou encore la télévision. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour approcher l'œuvre de Beckett et essayer d'en comprendre les enjeux, nous sommes avec Bruno Clément, professeur de littérature à l'Université Paris 8, où il a soutenu une thèse sur l'écrivain irlandais. Il a publié deux livres à son sujet, l'un sous le sobre titre de Beckett en 2018 aux éditions des presses universitaires de Vincennes, et l'autre sous le titre L'œuvre sans qualité rhétorique de Samuel Beckett en 1994 aux éditions du Seuil. Il travaille aujourd'hui plus spécifiquement sur les liens entre littérature et philosophie. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des auteurs. Il avait une vision tellement précise, j'ai noté ça dans mon livre aussi, ce qu'il a dit à Billy Whitelaw, son actrice préférée. Il a dit à un moment donné, « Billy, est-ce qu'au lieu de 3 points de suspension, tu peux faire 2 ?» Et elle a fait. Bonjour Bruno Clément. Bonjour. On vient d'entendre la voix de Anne Attic qui s'amusait de la manière dont Beckett dirigeait ses acteurs avec des indications imagées plutôt qu'avec de longs discours. C'est vrai que c'est pas si facile que ça de parler de l'œuvre de Beckett. Peut-être que même lui-même ne souhaitait pas en parler, ne pouvait pas l'expliciter davantage qu'avec ce genre d'indications. En tout cas, c'est vrai, c'est les indications qu'il a données dans les quelques conversations que rapportent les gens qui l'ont connu, parce que comme vous le savez, lui n'était pas tellement avare de confidences, donc on a quelques témoignages comme celui qu'on vient d'entendre, ou comme de témoignages d'acteurs, ou maintenant que la correspondance est pratiquement entièrement publiée, on a quelques lettres, j'en citerai peut-être tout à l'heure une ou deux qui sont importantes, mais c'est vrai qu'il se dégage de tout ça l'idée qu'il était attaché particulièrement à l'aspect technique, matériel de ce qu'il produisait, que ce soit sur la scène de théâtre ou sur les écrans de télévision. On dit que c'est parce qu'il n'obtenait jamais ce qu'il voulait à la scène qu'il a décidé de faire quelque chose qui n'était plus modifiable en tournant des pièces pour la télévision. Que ça soit vrai ou pas, en tout cas, ce qui est certain, c'est que tous les témoignages concordent, il était, j'allais dire maniaque, mais très très exigeant et très rigoureux sur la façon dont devait être mis en scène ce qu'il avait écrit. Parce que quand il n'écrivait pas seulement le texte de ses pièces, de ses dialogues, quand il n'y en a pas toujours, mais il était extrêmement précis sur les didascalies, et peut-être que vous le savez, il a intenté, ou son éditeur a intenté, pas mal de procès à chaque fois qu'il pensait qu'on trahissait l'œuvre telle qu'il l'avait conçue. Parce que l'œuvre, elle est gravée dans le marbre, elle est extrêmement précise, mais quand même le commentaire de Beckett, il n'existe quasiment pas. J'ai pas bien compris tout à l'heure si vous avez dit qu'il était avare de confidences ou qu'il n'était pas avare de confidences. Non, il était avare. Oui, avare de confidences. Oui, avare de confidences. Oui. Parce que lui-même ne théorisait pas sa propre œuvre. En tout cas, s'il la théorisait, il n'en faisait pas. pas beaucoup part au public. Il n'a jamais accordé d'interview, comme vous savez. Et donc, on est réduit vraiment soit au témoignage, soit aux éléments qui sont intégrés à sa fiction, soit à ses romans, soit à ses pièces de théâtre. Et du coup, la tentation est très forte de répéter ce que disent certains de ses personnages pour essayer de savoir à quoi s'en tenir sur ce qui est en jeu, soit à la scène, soit dans les romans. Donc c'est une œuvre complexe, aussi par sa variété. Il y a les pièces de théâtre, il y a les pièces pour la radio, les pièces pour la télévision, vous venez de les mentionner. Il y a aussi un film, et puis oui. Il y a les romans, puis il y a les nouvelles, oui. Et la correspondance. Les poèmes. Les essais sur la peinture. Sur la littérature, il a écrit un petit livre sur Proust. Même si c'est quelque chose qu'il a écrit très jeune, il a quand même écrit, et c'est quand même éclairant de le lire. Pas seulement à titre documentaire, c'est intéressant aussi. Et puis, il a écrit quelques essais sur Dante, Joyce, qui sont des choses qu'il a écrites très tôt, mais auxquelles, personnellement, j'attache beaucoup d'importance. Il y a des renseignements précieux dans ces textes-là. Sur Proust, quel rapport entre ces deux œuvres qui ont l'air tellement diamétralement opposées ? Diamétralement opposées, parce que l'une est très longue, et l'autre, c'est la première chose qu'on peut dire, et que l'autre, on l'associe très souvent à un désir de brièveté. On pourrait revenir là-dessus, parce qu'il y a des choses très brèves, mais il y a aussi des choses qui sont quand même un peu plus longues, dans les romans par exemple. C'est vrai, mais je dirais le point commun, si vraiment il faut en trouver un, mais il y en a, à mon avis, il y en a quand même plusieurs. Le premier, peut-être, le plus fort de tous, c'est, je le dis avec des mots que peut-être il n'aurait pas forcément accepté, qui est la question de l'intériorité, qui est une question fondamentale pour les deux, même si c'est traité d'une façon complètement différente. Et puis l'autre, c'est la question du temps, que chacun traite aussi d'une façon complètement différente. Mais finalement, les deux se rejoignent, aussi bien chez Proust, la question de l'intériorité, la question du temps, comme on sait. Mais chez Beckett, même si ça se dit moins, c'est vrai aussi. C'est même fondamental, je pense. C'est-à-dire que le temps finit par n'avoir qu'une seule mesure possible, qui est celle du monde intérieur, pas forcément du souvenir, hein, mais du monde intérieur. Parce qu'on est à la recherche des sujets traités par Beckett. C'est pas évident de répondre à la question de quoi parle l'œuvre de Beckett. Est-ce qu'il faut même répondre à cette question ou tenter d'y répondre? Ou est-ce que déjà, c'est un peu faire une erreur que de chercher le sujet de l'œuvre de Beckett? Je dis pas forcément que c'est une erreur, mais j'espère que c'est pas pour ça que vous m'avez invité. Parce que beaucoup de gens l'ont fait déjà avant moi, et bien, je dirais. Mais je rappelle juste que, pour essayer de justifier ma petite boutade, que très très tôt quand même dans sa carrière, pas dans son âge, mais dans sa carrière, en 1937, donc il avait 27 ans. Il est né en 1906, voilà. Donc il avait 31 ans. Oui, voilà. Il a écrit une lettre qui est maintenant souvent citée, mais qui pendant très longtemps ne l'a pas été, dans laquelle il s'afflige de la condition des écrivains qui sont obligés de composer avec le sens des mots. Il dit les musiciens sont de la chair. Je paraphrase, hein, il ne le dit pas exactement en ces termes, mais il dit les musiciens, les peintres, ils ont de la chance. Ils utilisent un matériau qui est totalement sans signification. Un do dièse, ça n'a pas de sens. Un jaune citron, ça n'a pas de sens. C'est une logie des voilà. Couleurs, ça existe quand même. C'est vrai, bon, on peut pas associer, mais on peut transformer. Alors que quand on prononce le mot porte ou le mot malheur, le sens est forcément attaché à la texture du mot, à sa... Donc la matérialité du langage est quelque chose qui le préoccupe largement autant que le sens. Et on raconte que, ça c'est des anecdotes que je tiens de personnes qui, de Ludovic Janvier, par exemple, qui était mon collègue et qui a traduit certaines, qui était mon collègue à Paris 8, qui était un écrivain aussi, quelqu'un qui était extrêmement proche de Beckett et aussi très sensible à sa prose. Il raconte que, quand il traduisait pour lui, évidemment, Beckett revoyait les choses et il arrivait toujours, après, disons, une semaine ou deux, quand ils avaient traduit une dizaine de pages, et pour valider ou non, ou modifier, il disait tout haut la traduction en français en rythmant. Voilà. Et il changeait des choses uniquement parce que ça ne marchait pas d'un point de vue rythmique ou d'un point de vue sonore. Et Ludovic lui disait, mais là, c'est pas exactement ce que tu dis dans la version anglaise. Il disait, mais ça, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ça sonne comme il faut que ça sonne. Et la grammaire, c'est pas tellement la peine non plus de la respecter. Je cite par exemple cette phrase qui ouvre son roman Malone meurt. Je serai quand même bientôt tout à fait mort enfin. Qui est une belle phrase, mais qui est grammaticalement incorrecte. Je crois qu'il disait que la grammaire, c'était comme les maillots de bain de l'ère victorienne, un petit peu dépassé qu'aujourd'hui, il fallait dépassé. Plus tellement en mettre. Oui. Bah, c'est dans la même lettre, la lettre que je citais tout à l'heure. Je ne dis pas qu'elle commence comme ça, mais c'est dans les premières phrases, il dit la grammaire et le style, c'est effectivement comme le costume de bain d'un victorien, et ça suffit. Et voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'œuvre de Beckett est une œuvre poétique, en ce sens que ce qui compterait, c'est l'évocation de ces mots mis les uns après les autres, des images qu'ils produisent quand ils sont justement prononcés ou entendus ou lus les uns après les autres, et de la sensation que l'oreille a de les entendre dans la musique qu'il crée. Je pense que si on fait cet effort de lecture, on accède à un Beckett qui est certainement pas le Beckett le plus répandu, mais je pense que d'une part, on est plus proche de son projet, s'il y en a eu un, et ce projet a beaucoup évolué, mais quand même de son projet initial. Pardon ? Il n'y a peut-être pas eu de projet, vous croyez ? Ah si, si, je pense que la lettre en question, en 1937, vraiment, c'est l'exposé d'un projet. Je ne dis pas que ce projet, il n'a pas évolué, parce qu'entre 1937 et l'année de la mort de Beckett, en 89, bien sûr, il y a des choses qui ont bougé. Mais quand même, il y a eu des choses qui sont restées vraiment des déterminations cardinales, je dirais, dont il n'a pas bougé. Donc d'une part, on serait plus proche de son projet, mais d'autre part, on y gagnerait, parce que on entendrait un Beckett qu'on n'entend pas toujours. Voilà. À partir de 1946 environ, il se met à écrire en français, et dans l'espace de 7-8 ans, il va écrire en langue française ses plus grandes œuvres, certainement les œuvres les plus connues, la trilogie romanesque, Molloy, Malone meurt, l'innommable, en attendant Godot, fin de partie, texte pour rien, des nouvelles, enfin une créativité inouïe dans très très peu de temps, tout ça en langue française. Avec cela, néanmoins, Beckett s'est trouvé acculé dans un cul-de-sac où il ne pouvait plus écrire, il ne savait plus écrire, et à ce moment-là, il commence à se traduire pour se distraire, dit-il. Enfin, pour faire autre chose que de créer. Et en 1960, il se sort de cela avec un livre, encore une fois en français, Commencé, un roman très important, grand roman, moins connu que les autres. Et à partir de là, ça va, c'est reparti, jamais facilement. Beckett n'a jamais écrit facilement. Il souffrait, toute écriture était une souffrance pour lui. Mais comme il l'a dit, ne pas écrire était une souffrance aussi. Et à partir de 1960, il a écrit dans les deux langues, tantôt en anglais, tantôt en français, sans vraiment de formule très précise. Donc les deux, et il s'est auto-traduit. Donc il y a cette œuvre merveilleuse et qui est d'autant plus extraordinaire parce qu'elle est double. La compagnie des œuvres sur France Culture. On entendait à l'instant l'universitaire Tom Bishop interrogé par Catherine Pont-Humbert. Alors Bruno Clément, beaucoup de choses à dire sur ce qu'on vient d'entendre. Vous êtes d'accord avec certaines choses, vous n'êtes pas d'accord avec d'autres. Je les nuancerai, disons. Oui. Voulez-vous les nuancer tout de suite ? Non, comme vous voulez. Ça... Moi, je voulais vous demander, est-ce qu'il faut parler de l'œuvre de Beckett ou est-ce qu'il faut parler des œuvres de Beckett ? Est-ce que l'œuvre en anglais, l'œuvre en français, c'est la même ? Ou est-ce que les deux sont différentes ? Alors nous qui la lisons en français la plupart du temps, on n'en connaît finalement qu'un bout. Vous la lisez peut-être dans les deux langues ? Vous tranchez un peu en posant la question, en disant l'œuvre française, est-ce que c'est la même que l'œuvre anglaise ? Donc ça vous semblez penser qu'il y a une œuvre française et une œuvre anglaise. C'est parce qu'on ne connaît pas, enfin oui. Moi je ne connais pas l'œuvre anglaise. Alors ma thèse est différente, après je réagirai à ce que disait Tom Bishop à l'instant. Ma thèse est qu'il y a une seule œuvre, mais qu'elle a deux versions. Voilà. Qui ne sont pas de simples traductions. Qui ne sont pas de simples traductions du tout. Il suffit de mettre le nez dedans pour s'en apercevoir. Il y a certains textes dans lesquels les différences sont considérables, ne serait-ce qu'en volume. Un texte comme Mercier et Camier, par exemple, qui fait partie de la période dont parlait Tom Bishop à l'instant, qui a été écrit au milieu des années 40, quelque chose comme ça, qu'il a traduit assez longtemps après. Dans la version anglaise, elle perd entre 10 et 15% de ses pages. Bon, l'anglais est plus resserré que le français aussi. Oui, mais c'est pas vrai des autres textes qu'il a traduits. Donc là, il y a eu une volonté à un certain moment de faire un texte qui, certes, à une époque différente, correspondait à un autre projet. Et donc, considérer que c'est une seule œuvre, oui, mais elle a deux états. Et ces deux états, elle a deux états, deux versions. Et c'est vrai que ma thèse, le point complémentaire de ma thèse, c'est que cette dualité des états, des versions, fait partie du projet poétique dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que la réponse à la question extrêmement exigeante qu'il se posait, très tôt dans sa carrière, elle passe par les deux langues. Cette question, c'est un choix. Qui est quoi en fait ? Qui est la question de... Quel moyen d'expression propre à notre matériau allons-nous inventer, nous les écrivains ? Mais le matériau français, ce n'est pas le même matériau que l'anglais. Ah non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Je reviens un tout petit peu sur ce que disait Tom Bishop d'or. Je suis très ému de l'entendre. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé avec lui. Et je sais qu'il ne va pas très bien, mais qu'il est toujours, fidèle au poste. C'est un ami, on a parlé très très souvent ensemble de tout ça. Et donc, moi je nuance ce qu'il dit à propos de la périodisation. Voilà. Il dit, il a fait, dans cette période-là, des œuvres très importantes, les plus importantes, dit-il, en français. Et puis, ensuite, il est revenu à l'anglais. Alors, c'est... Comment dire, facile à prouver que ça ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire que il écrivait la première des versions dans une langue et qu'il ne tardait jamais à écrire la deuxième dans l'autre langue, quel que soit l'ordre. J'ai même eu la chance de voir quelques manuscrits, notamment le manuscrit d'un texte dont peut-être on reparlera tout à l'heure, qui n'est pas un texte théâtral, qui s'appelle « Mal vu, mal dit ». Et le manuscrit de ce texte-là, donc, il écrivait sur des cahiers d'écoliers. Sur la page de droite, il écrivait en français, mais parfois avec des anglicismes qu'il barrait. Mais en même temps, sur la page de gauche, il y a déjà... Je ne sais pas si c'est quelque chose qui précède et dont il essaye de trouver la traduction dans la page de droite, mais il y a déjà une bonne partie du texte en anglais qui est là, en tout cas, que le texte français appelle. Donc les deux sont, je ne dis pas écrits en même temps, ça n'aurait pas de sens, mais ils sont écrits de façon très rapprochée dans le temps. Et ce que Tom Bishop disait à l'instant n'est pas vrai pour la trilogie. Par exemple, les trois premiers grands romans en français, Molloy, Malhonneur, L'Innommable, que Beckett considérait effectivement comme un ensemble et qui ont été écrits vraiment dans un laps de temps très court, il a commencé à travailler à la traduction avant même que ça soit fini. Donc il n'y a aucun moyen finalement de distinguer les raisons qui font qu'à un moment donné il commence par le français ou qu'il commence par l'anglais. Est-ce que tout de même ces langues appellent pour lui des textes spécifiques ? je ne me sens pas capable, on m'a souvent posé cette question-là, je ne me sens pas capable de dire pourquoi, à un certain moment, il décide que la première version, il décide ou il sent que, ou il est appelé par, je ne sais pas, sera plutôt en anglais ou plutôt en français. Ce qui est certain, c'est que quand même, dans la période en question, c'est-à-dire fin des années 40, milieu des années 40, milieu des années 50, c'est très approximatif hein, ce que je dis, c'est une décision résolue. Il veut essayer ce que ça donne d'écrire d'abord en français. Voilà. C'est un petit peu comme en musique, on choisirait une gamme plutôt qu'une autre, finalement. Non plus. Je ne sais pas si c'est... Oui, quelque chose comme ça, mais plutôt comme si on écrivait une version avec plutôt un quatuor à cordes, ou alors avec quatre autres instruments, ou avec une orchestration un peu différente. Je pense que c'est une question de tonalité. Est-ce que il y a chez Beckett un refus de l'ornementation littéraire, dans l'esthétique de la phrase? Est-ce qu'il y a une volonté d'écrire sans style? Ça fait partie de son projet, ça, pour vous? Ou alors c'est une forme de style que d'écrire sans style? Bon, là, vous faites allusion à une formule qui a été abondamment citée et commentée, qui est totalement apocryphe. C'est-à-dire, peut-être que c'est vrai, mais il n'y a pas de moyen de vérifier parce que ce sont des gens qui rapportent qu'ils ont entendu dire que quelqu'un avait rapporté que c'était plus facile d'écrire sans style. Les documents que moi j'ai consultés, qui sont publiés en fait, c'est assez facile de le vérifier, c'est que il compare effectivement la tonalité des deux langues, pas très souvent, mais une fois dans un roman qui n'est pas publié, qui s'appelle « Dream of Fair to Middling Woman », rêve de femme médiocre, il fait l'éloge du français en disant « Ce qui est bien avec le français, et je crois qu'il n'y a que les Français qui peuvent faire ça, dit-il, c'est qu'ils sont capables d'écrire une langue totalement fluide et sur laquelle rien ne se détache, une langue très très courante, et puis d'un seul coup, sur cette langue extrêmement banale, peuvent se détacher ce qu'il appelle des perles. Mmh. » Il souhaite pouvoir lui-même faire quelque chose de cet ordre-là. Donc je pense qu'il adopte le français à un certain moment pour une raison proche de ça. Mais je ne dirais pas que c'est... On peut dire que c'est sans style. C'est plutôt au contraire pour la promotion d'un style défini de cette façon-là, c'est-à-dire différence de relief. Il faut que la langue qu'il invente ait plusieurs reliefs, qui est une langue banale, une langue quotidienne, et puis sur cette langue quotidienne, que se détachent des choses qui font mouche, que le lecteur, auquel le lecteur va réagir tout de suite. Dans les romans, comme dans le théâtre, la même méthode est mise en place. Ah oui, oui, oui, oui, absolument. C'est peut-être encore plus visible, je dirais, dans les romans hein, qui sont écrits à cette époque-là. Je ne sais depuis combien de temps je suis ici, j'ai dû le dire. Je sais seulement que j'étais déjà très vieux avant de m'y trouver. Je me dis nonagénaire, mais je ne peux pas le prouver. Je ne suis peut-être que quinquagénaire ou que quadragénaire. Il y a une éternité que je n'en tiens plus le compte, de mes ans, je veux dire. Je sais l'année de ma naissance, je ne l'ai pas oubliée, mais je ne sais pas dans quelle année je suis parvenu. Mais je me crois ici depuis un bon moment, car je sais bien ce que peuvent contre moi, à l'abri de ces murs, les diverses saisons. Cela ne s'apprend pas en une année ou deux. Des journées entières m'ont semblé tenir entre deux ciments. Reste-t-il encore quelque chose à ajouter? Quelques mots peut-être sur moi? Mon corps est ce qu'on appelle, peut-être à la légère, impotent. Il ne peut pour ainsi dire plus rien. Ça me manque parfois de ne plus pouvoir me traîner, mais je suis peu enclin à la nostalgie. La plainte du sommier fait partie de ma vie. Je ne voudrais pas qu'elle s'arrête, je veux dire que je ne voudrais pas qu'elle s'atténue. C'est sur le dos, c'est-à-dire prosterné, non, renversé, que je suis le mieux. C'est ainsi que je suis le moins ossu. Je reste sur le dos, mais ma joue est sur l'oreiller. Je n'ai qu'à ouvrir les yeux pour que recommence le ciel et la fumée des hommes. Je ne parlerai pas de mes souffrances. Enfouie au plus profond d'elles, je ne sens rien. C'est là où je meurs, à l'insu de ma chair stupide. Ce qu'on voit, ce qui crie et s'agite, Ce sont les restes. Ils s'ignorent. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. À quoi pensez-vous, Bruno Clément, quand vous lisez Beckett ou quand vous écoutez, comme ici, un extrait de son roman Malone meurt, lu par Jérôme Kirchner? Qu'est-ce que ça évoque en vous? Je ne vais pas vous demander comment on doit lire Beckett, mais il y a peut-être un petit peu cette question non, aussi. C'est une question beaucoup plus difficile, parce que quand on a passé autant de temps que moi en compagnie de cette... Vous avez un beau titre d'émission, qui est aussi un titre beckettien, comme vous savez, puisqu'il y a un texte qui s'appelle Compagnie, et justement auquel l'extrait qu'on vient d'entendre fait vraiment penser. C'est très difficile comme question, parce que j'ai des réflexes maintenant qui sont des réflexes de spécialistes. Je mets plein de guillemets, il y a beaucoup d'autres spécialistes, peut-être plus spécialistes que moi. Et je dirais, pour répondre à votre question, qu'en fait, c'est quand je suis au théâtre que je suis au plus près de ce que vous essayez de cerner. C'est-à-dire que là, les réflexes tombent presque naturellement. On est pris par le spectacle, on est pris par ce qu'on entend. Et du coup, on n'a pas le réflexe de... spéculatif ou herméneutique, d'interprétation systématique. Et c'est pour ça que, bien que je ne travaille plus spécifiquement sur Beckett, je continue, à chaque fois que j'en ai l'occasion, d'aller voir les mises en scène qui sont faites de lui, et il y en a tout le temps. Est-ce que le plaisir d'assister, par exemple, à une pièce de Beckett ou de lire un de ses romans est un plaisir un peu méditatif aussi, qui tient justement au rythme de la langue, à la musique du texte? Alors, vraiment, sans hésiter, oui, à chaque fois que je vais au théâtre, il n'y a presque pas de fois où ça ne se passe pas. Mais non, pour le roman, je suis obligé de le dire par honnêteté, parce que je ne lis maintenant le roman... Je les connais par cœur, ou presque, disons. C'est pas une œuvre qui est considérable en volume, comme l'œuvre de Balzac ou de Zola, ni même de Proust. Et donc, on la cerne assez vite quand on est spécialiste. Et du coup, je retombe toujours sur quelque chose de connu, sur des commentaires qui ont été faits, que j'ai faits, et ou des cours que j'ai donnés, ou des conférences que j'ai faites. Et donc, j'ai beaucoup plus de mal, voilà. Et c'est presque une tristesse, mais ça, c'est la tristesse de l'universitaire. Vous avez perdu votre naïveté par rapport à ce texte. Un peu. Aussi, peut-être à force de l'analyser par rapport à des catégories qui sont des catégories d'histoire littéraire. Par exemple, le nouveau roman. Bam! Alors, est-ce que Beckett, c'est du nouveau roman? La question qui vient juste avec celle-là, et je vais faire sans doute la même réponse, c'est est-ce que c'est de l'absurde? Exactement. Voilà, Est-ce que c'est du théâtre de l'absurde? Est-ce que c'est du nouveau roman? Alors, on ne gagne pas à ça, je trouve. C'est-à-dire, c'est absolument pas faux. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire c'est du roman traditionnel. Parce que ça ne l'est pas. Mais en même temps, quand on dit... que c'est du nouveau roman, ça empêche peut-être de voir, je pourrais revenir tout à l'heure à propos du temps justement, ou à propos du lieu dont parlait l'extrait qu'on vient d'entendre là, ça empêche de voir ce qui fait quand même la continuité entre l'œuvre de Beckett avec avec toute la littérature classique qu'il connaissait sur le bout des doigts. Ses références, quand il parle de littérature, c'est alors Dante et Joyce, je ferai un sort peut-être tout à l'heure si on en parle, qui sont des modèles parce qu'ils ont inventé chacun un instrument d'expression inédit, mais sinon ces références dans les courants ou dans les époques des siècles passés, c'est soit les romantiques anglais, Coleridge notamment, dont avec ma connaissance il ne dit pas forcément le nom, mais qui est très proche d'un certain nombre de ses textes. Tom Bishop parlait de Commençait tout à l'heure. Et puis surtout, si on parle du théâtre, mais vous en parlerez surtout demain, le théâtre classique qu'il connaissait sur le bout des doigts, et la philosophie classique qu'il connaissait aussi beaucoup. Donc, nouveau roman, oui. On pourrait vous répondre que les autres néo-romanciers étaient aussi de grands férus de Oui, mais je ferai la même réponse sur les autres nouveaux romanciers aussi. Toujours est-il qu'il était sur la photo autour des autres. Bien sûr. Mais tous ont dit, mais non, il n'y a rien qui s'appelle nouveau roman. Et même chose pour l'absurde. Ce n'est pas indu, ce n'est pas infondé de parler de l'absurde, mais si, je me méfie toujours quand on réduit une œuvre à un adjectif qui semblerait le caractériser, parce que surtout dans le cas de Beckett, dire c'est absurde, ça fait l'économie de tout le travail formel que Beckett a fait, qui ne rentre pas dans l'absurde, si vous voulez. Alors justement, il faut peut-être ne pas trop définir négativement, comme on le fait Beckett, voilà. Mais essayer de tout le définir positivement. Est-ce que je me trompe en disant que si on le définit positivement, on le définit par un travail sur l'esthétique? Il s'agit ne pas chercher le sens, mais de s'intéresser uniquement à l'esthétique de ses textes. Mais ce mot-là, d'esthétique, n'est peut-être pas très évident à comprendre. Qu'est-ce que ça recouvre? Il n'est peut-être pas évident à comprendre, mais en tout cas, il est pour moi beaucoup plus. Il correspond beaucoup plus à la réalité du projet et de ce qui a été réalisé. Alors, adoptons-le un moment, parce que je pense qu'effectivement, on y gagne beaucoup. Mmh. C'est un projet dans lequel, effectivement, il y a, par la force des choses, et étant donné la nature du projet, des remises en cause permanentes. Par exemple, de la notion du temps, ça se voit dans l'extrait qu'on a lu. Par exemple, de la question de l'espace. Par exemple, de la question de l'événement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Par exemple, de la question du réel et de la fiction, ce qu'on appelle des fois la vraisemblance. C'est un mot qui est compliqué. Donc, oui, de ce point de vue-là, premièrement, il y a effectivement quelque chose à gagner, à parler plutôt de l'esthétique de Beckett. Qu'est-ce qu'il a voulu faire de ce côté-là? Mais ça a aussi un certain nombre de conséquences sur la définition des genres. Parce que quand on adopte le genre dramatique, on n'a pas les mêmes préoccupations que quand on adopte le genre de la poésie ou le genre du film ou le genre du roman, voilà, de la prose narrative, disons. Parce que des fois, c'est si bref chez Beckett qu'on a du mal à parler de roman. Mm-hmm. Mal vu, mal dit, dont je parlais tout à l'heure, Compagnie, dont on a évoqué le titre, c'est des textes 50-60 pages, c'est pas ce qu'on peut rappeler un roman. À chaque fois, je vais dans le sens de votre proposition, parlons d'esthétique, les choix qui sont faits montrent que le genre choisi s'en trouve aussi un fléchi. C'est-à-dire que ce qui se dit de mot en mot et de phrase en phrase fait que l'outil qu'on a choisi pour cette fois et pour s'exprimer, que ce soit le récit, que ce soit la scène, s'en trouve affecté. Voilà. Et du coup, c'est pas quelque chose dont Beckett se désintéresse du tout. C'est pourquoi, je pense, il était si méticuleux en ce qui concerne ses mises en scène. Évidemment, il ne pouvait pas l'être. C'est quelque chose que j'objecte toujours au metteur en scène qui se réclame de l'autorité de Beckett. Je dis, mais on peut faire des procès sur l'interprétation des metteurs en scène, mais pas sur l'interprétation des critiques des romans. Ils disent ce qu'ils veulent et on ne peut pas leur faire de procès. Est-ce que c'est la même chose quand vous dites Beckett aimait beaucoup Dante, aimait beaucoup Joyce? Ce sont des textes aussi, les textes de ces deux auteurs qui tiennent un peu par eux-mêmes, qui oui. ont un sens, mais enfin, dont le sens importe peut-être moins que la succession des phrases. Alors voilà, si vous voulez, c'est assez facile en ce qui concerne Dante et Beckett, Dante et Beckett, Joyce et Beckett, quel était l'attrait qu'ils exerçaient sur lui? C'est sa manière de raconter les choses. Je ne dis pas que quelqu'un qui est spécialiste de Dante souscrirait nécessairement. Mais il disait, voilà, Dante a écrit dans une langue qui n'existait pas. Il n'a pas écrit en florentin, il n'a pas écrit en napolitain, il a écrit dans un italien qui était une sorte de mixte de tous les Italiens qui se parlaient à son époque et qu'il considérait comme la langue idéale et parfaite pour ce qu'il avait à dire. Donc il le crédite d'être un poète, peut-être le premier poète, qui a inventé la langue dans laquelle il parlait, à partir de différentes langues. Quant à Joyce, dont il était très proche, puisqu'il était dans son entourage proche, qu'ils étaient tous les deux irlandais, vivant en Europe continentale, oui, d'abord à Paris, puis en Suisse pour Joyce. Quant à Joyce, Finnegan's Wake est une aventure à laquelle Beckett a essayé de participer comme traducteur. Il en a traduit une petite partie avec un groupe de poètes et de traducteurs à l'époque. Et donc, le principe de Finnegan's Wake, pour ceux c'est pour ça que Beckett le cite souvent, c'est que c'est écrit dans une langue qui est non identifiable. Les spécialistes disent qu'il y a peut-être 60 langues qui sont présentes dans le texte de Finnegan's Wake, ce qui en rend la lecture très très difficile, et qu'on ne sait même pas au fond si Joyce a voulu que l'anglais soit la langue de référence. Alors ça, pour Beckett, c'était quelque chose de très important, et ma réponse, je reviens à l'histoire du bilinguisme de tout à l'heure, c'est que mon hypothèse est que sa réponse à lui est non pas toutes les langues de Joyce, non pas une langue imaginaire comme fabriquée comme Dante, mais deux langues. Voilà. Mmh. Et que le deux langues de Beckett, c'est sa réponse poétique, esthétique, pour reprendre votre terme, au projet qu'il avait formulé très tôt. Donc il y a une volonté de dépasser Joyce, comme s'il était coincé finalement par son admiration pour l'œuvre de Joyce, qu'il ne pouvait faire que se mettre dans les pas du maître, et donc il aurait surpassé finalement cette difficulté avec le bilinguisme, et puis peut-être avec d'autres choses. Je pense que le bilinguisme, vraiment, a été une manière de répondre à des questions qu'il se posait, et que, bah, disons grosso modo, ça a marché. Après, sur les rapports avec Joyce, ils sont compliqués. Il y avait la fille de Joyce qui était amoureuse de Beckett, d'après ce qu'on dit. Moi, je ne m'intéresse pas beaucoup à la biographie, mais voilà, il y aurait eu une histoire aussi qui aurait fait que les relations entre les deux hommes étaient quand même assez compliquées. Donc, je ne sais pas si le problème de Beckett était le problème de la rivalité avec un père supposé qu'aurait été Joyce. Je ne m'aventurerai pas du tout là-dessus. Et je ne pense pas du tout, d'ailleurs, que ça éclaire l'œuvre et ça enrichisse notre lecture. Je suis dans la chambre de ma mère. C'est moi qui y vis maintenant. Je ne sais pas comment j'y suis arrivé. Dans une ambulance, peut-être. Un véhicule quelconque, certainement. On m'a aidé. Seul, je ne serais pas arrivé. Cet homme qui vient chaque semaine, c'est grâce à lui, peut-être, que je suis ici. Il dit que non. Il me donne un peu d'argent et enlève les feuilles. Tant de feuilles, tant d'argent. Oui. Je travaille maintenant. Un peu comme autrefois. Seulement je ne sais plus travailler. Cela n'a pas d'importance, paraît-il. Moi, je voudrais maintenant parler des choses qui me restent. Faire mes adieux, finir de mourir. Ils ne veulent pas. Oui, ils sont plusieurs, paraît-il. Mais c'est toujours le même qui vient. De Molloy, le premier roman de Samuel Beckett, lu ici par André Mathieu. Bruno Clément, vous voulez commenter cet extrait ? Il y a beaucoup de choses à dire. La première, qui est hors extrait, si j'ose dire, essayons de nous souvenir que au moment où Beckett écrit ça, ou quasi, c'est à peu près simultané, il écrit en attendant Godot. Je pense que les deux, c'est clair, même si on a l'air d'être dans des univers complètement, complètement différents. Je pense que ça fait partie du projet dont on parlait tout à l'heure et que ces deux axes, peut-être, qui sont en train de se dessiner, mais en même temps, qui répondent avec des voix différentes à la même question. Première chose que je voulais dire en dehors de l'extrait. Alors cet extrait, c'est le début du roman, ou plus exactement, c'est le début de la première partie du roman, parce qu'il y a deux parties. Il y a deux narrateurs dans chacune des deux parties. Le premier narrateur s'appelle Molloy, le deuxième s'appelle Moran, anagramme du mot roman, entre parenthèses. Et on a ici le premier des éléments qui rendent très difficile d'échapper à la tentation de commenter Beckett avec ses propres mots. Ce sont des écrivains qui parlent, ou des écriveurs, des gens qui tiennent la plume, voilà. Par exemple, Molloy dit à quelques lignes de là, je ne me relis pas, j'écris au fil de la plume, etc. Et donc, moi, on trouve dans la critique beckettienne des gens qui disent, bon voilà, c'est écrit au fil de la plume, c'est écrit comme ça. Oui. Bah, bon, Alors que visiblement, c'était plutôt un perfectionniste. C'était plutôt un perfectionniste. Et donc, et Morand est un autre type, donc le narrateur de la deuxième personne, est un autre type d'écrivain. Il commence sa deuxième partie en disant « il est minuit », la deuxième partie du roman en disant « il est minuit, la pluie fouette les vitres ». Et il écrit comme dernière phrase « alors, à ce moment-là, je rentrais chez moi et j'écrivis « il est minuit, la pluie fouette les vitres ». Il n'était pas minuit, il ne pleuvait pas. Et donc, aussitôt, les commentateurs disent « et voilà, nous avons une écriture qui avoue qu'il triche, qu'il fait de la fiction, que... parce que le narrateur le dit, alors que le premier narrateur dit exactement le contraire. Voilà. » Alors justement, parlons de la réception critique de ce roman, et puis il faut rappeler quand même que c'est une époque où paraissent, pas exactement au même moment, mais enfin, La Nausée, L'Étranger, bon, dans ces, pour que la période soit définie très largement, on n'est pas du tout, évidemment, dans le même type de littérature. Est-ce que, pourtant, on n'a pas, alors là on revient un petit peu à la philosophie de l'absurde, cherché, justement, à faire dire à Beckett, à le faire se positionner par rapport à Sartre, par rapport à Camus, à la fois littérairement et philosophiquement? Oui, on a cherché à le faire, bien sûr, mais pas toujours à mauvais escient. C'est-à-dire, je suis dans la chambre de ma mère, c'est moi qui vis maintenant. Ça ressemble à la première phrase de L'Étranger. Quant à la décision de Morand, à la fin de la deuxième partie, d'écrire un rapport qui va raconter sa quête, c'est assez proche de la fin de La Nausée, où Roquentin décide que, peut-être, pourquoi pas, un roman, oui, ça serait une possibilité, etc. Donc, on a rapproché, pas complètement sans fondement. C'est possible, oui. Mais pas forcément pour les raisons qui sont les raisons de philosophie, voilà, dont on n'a pas beaucoup parlé. Vous voulez qu'on en parle davantage? Si vous voulez, très rapidement, ce que je dirais, c'est que je comprends que les philosophes s'intéressent à Beckett, et les grands philosophes comme Badiou, Deleuze ou des gens comme Anzieux, etc., se sont intéressés et brillamment à Beckett. Mais pour moi, il y a une grande différence entre les deux processus d'écriture. C'est que les philosophes décrivent les choses, les théorisent, alors que Beckett ne les théorise jamais, il les met en œuvre. Voilà. Quand il veut faire une théorie de l'image, c'est un sujet philosophique classique, je dirais, bateau même, pour un philosophe. Sartre a parlé de ça, Deleuze a parlé de ça, presque tous les grands philosophes en ont parlé. Beckett, il en parle tout le temps, mais il ne tient pas de discours. Donc c'est fait des images. C'est un praticien, ça n'est pas un théoricien. Oui, mais cette pratique est une pratique questionnante. C'est une pratique qui est très inquiète, qui est très équivoque aussi, autre différence avec la philosophie, c'est-à-dire qu'il peut faire des expériences extrêmement différentes entre elles, alors que les philosophes, ils tendent à l'univoque. Sinon, ils n'ont pas de raison d'être. Il faut qu'ils tiennent un discours qui soit absolument universel et exportable. Et pourtant, c'est une œuvre qui paraît comme ça, assez difficile à saisir, assez justement cérébrale. Vous nous expliquez que... Donc vous voulez dire philosophique ? Peut-être que la philosophie est cérébrale, il me semble quand même qu'on peut peut-être le dire. Alors je crois que Adorno, qui lisait Beckett, avait fait toute une analyse sur Beckett, que Beckett ne comprenait pas, qu'il trouvait absolument... obscur. Fin de partie, oui. Ah, sur fin de partie. Et pourtant, on peut quand même dire que l'œuvre de Beckett, elle est aussi obscure, d'une certaine façon. Je pense qu'on doit pouvoir le dire, non? Ah, ça me permettra de faire une citation qui me brûle les lèvres depuis quelques minutes. À propos de fin de partie, Beckett était exaspéré par tous les commentaires philosophiques qui en étaient faits. Et dans une lettre, je ne sais plus à qui elle était adressée, il dit... Laissons-les faire, si ça les amuse, qu'ils prennent un peu d'aspirine et ça va aller mieux. Mais moi, c'est pas ça du tout qui m'intéresse. Ce que j'ai voulu faire, donc je le dis avec un peu de solennité, parce que c'est quand même quelque chose qu'on oublie très souvent. Fin de partie, c'est une pièce qui effectivement a été commentée sous tous les angles et par tous les philosophes de bord différents. Il dit, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est une affaire de sons fondamentaux. Fundamental sounds. Ce qu'apportait Beckett, c'était pour moi l'essence même de la littérature, en ce sens que disparaissaient les personnages, disparaissait l'intrigue, disparaissait le décor, disparaissait même la philosophie de l'action, les leçons qu'on pouvait tirer d'une anecdote, pour au profit d'une voix qui n'était plus la voix même de l'auteur. Dans Malone-Meur, il dit « je », et il examine son, enfin le personnage qui dit « je » examine son œuvre antérieure, et on peut croire que c'est l'auteur, mais il se débarrasse même de ce superflu pour se laisser traverser par une voix impersonnelle, ce que Blanchot précisément appelait la voix neutre, c'est-à-dire un langage qu'on peut imaginer, je ne sais pas moi, flottant comme ça dans les airs, enfin, qui traverse un médium, enfin un moyen qui est celui qui parle, et par lequel ce langage le définit. Enfin, c'était ça la grande nouveauté de Beckett, c'est qu'il était arrivé, il est arrivé, à saisir ce qui pour moi est l'essence même de la littérature, c'est-à-dire ce langage qui s'exprime à travers un écrivain, sans que l'écrivain en soit forcément conscient et sans que même volontairement, il veuille l'exprimer. Maurice Nadeau, au micro d'Alain Clerval en 1971 dans la Compagnie des œuvres sur France Culture. Cette voix de Beckett, cette voix neutre, insaisissable dont parle Maurice Nadeau, Bruno Clément, est-ce qu'on peut la rapprocher de la voix de Flaubert par exemple et de cette volonté d'écrire un livre sur rien comme il l'écrivait dans une lettre à Louise Collet? Est-ce que Beckett écrit des livres sur rien? Je suis pour le rapprochement Beckett-Flaubert, pour toutes sortes de raisons. Mais avant, je voudrais quand même réagir à ce qu'on a entendu de Maurice Nadeau en 70, donc 71, qui cite Maurice Blanchot comme si c'était l'évangile et que si Blanchot l'avait dit, c'était forcément vrai. Et qui se fait l'écho lui-même d'une thèse qui, personnellement, n'est pas du tout la mienne, à savoir, Beckett a réussi à faire en sorte que le langage passe à travers lui, comme s'il en était le réceptacle innocent, pur et neutre, et comme s'il n'y avait pas de travail de langage du tout. Or ça, si vous voulez, ça fait beaucoup de mal à Beckett, au fond. C'est-à-dire, bien sûr, ça saisit quelque chose qui correspond à l'impression de lecture qu'on peut avoir, mais une espèce de passivité absente, dans lesquelles l'initiative de l'écrivain est réduite pratiquement à rien. Il s'agit juste, quand on est écrivain, de se faire le moins existant possible, de façon qu'on entende une sorte de voix venue de je ne sais pas où, qui serait la langue, le langage. Donc moi, je m'inscris en faux contre ça. Voilà, j'aime mieux que on dise il y a un projet esthétique inédit, essayons de voir comment il fonctionne. C'est là où on rejoint Flaubert. Alors c'est là qu'on rejoint parce Flaubert. Parce que précisément, la langue de Flaubert est extrêmement travaillée pour que ça se voit voilà. Le moins possible. Parce que c'est vrai qu'il dit je voudrais écrire un livre sur rien, ce qu'il fait un peu. Mais il ajoute un livre qui se tiendrait par la force seule, par la seule force du style. Voilà. Alors Beckett dit écrire sans style, mais en même temps, c'est quand même une question de langue à forger, de grammaire à inventer, de syntaxe à fabriquer. De ponctuation aussi ponctuation, à détruire. De ponctuation, de rythme à trouver. Oui, de ponctuation à détruire, ce qui ne veut pas dire détruire le rythme, hein, bien sûr. Vous dites que ça ressemble un petit peu au fonctionnement de la pensée, justement, ce rythme beckettien. Oui. Cette écriture beckettienne. Au rythme de. À un certain rythme de. Pas forcément de pensée, mais disons de vie mentale. Qui n'est pas forcément linéaire. Qui n'est pas forcément linéaire. Il y a à certains moments, une chose qu'on voit, une voix qu'on écoute, fait penser à, ou pour une raison qu'on ne comprend pas ou qu'on n'est pas capable d'expliquer, une image nous revient ou nous vient. Parce que c'est pas forcément quelque chose du passé. Donc, il y a des éclairs, effectivement, dans la vie mentale. Là, je dis des banalités. Mais il a essayé de traquer ça, Beckett. Surtout dans la dernière partie de sa vie. Ça commence avec « Comment c'est ?», dont parlait Tom Bishop dans l'extrait de tout à l'heure, qui prend ça à bras-le-corps et qui fait de ça la matière de son livre. On entend des voix, on voit des images. D'où ça vient? Est-ce qu'on peut maîtriser ça? Est-ce qu'on peut infléchir de façon à ce qu'elles surviennent quand on le veut, à leur faire dire ce qu'elles veulent, etc. Voilà. Passivité, activité se battent là, et Beckett interroge ça avec obstination. On entend des voix, on voit des images. C'est vrai que c'est très oral, la littérature de Beckett. Très oral. En général, quand on pense à Beckett, on pense au Beckett dramaturge, on pense aux pièces de théâtre, un peu moins aux romans. Je ne sais pas d'ailleurs si vous savez pourquoi, mais l'une des hypothèses serait qu'il y a aussi beaucoup de monologues chez Beckett. Il y a des monologues dans les romans et aussi dans le théâtre. Est-ce que cette oralité de Beckett, elle ne prend pas finalement l'avantage qui fait qu'on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un sur scène quand on pense à Beckett? C'est une question difficile de savoir effectivement pourquoi la gloire de Beckett, parlons comme ça, est beaucoup plus celle du dramaturge que celle du romancier. Je pense que là, il faudrait poser la question de, qui est rarement posée à ma connaissance, qui est celle de Beckett politique. Je ne l'entends pas du tout au sens de idée politique ou doctrine politique, mais du rôle politique que joue le théâtre depuis qu'il existe, c'est-à-dire les citoyens se rassemblent en un lieu où on parle devant eux de choses qui sont celles qui organisent leur vie, leurs rapports, leurs problèmes, leurs difficultés. Alors, je pense que Beckett, de ce point de vue-là, d'une part, est une rupture immense par rapport à la tradition du théâtre, c'est-à-dire, en ce sens-là, il ne joue absolument pas son rôle, c'est-à-dire il ne parle pas des problèmes de la cité, même indirectement. Il peut parler des problèmes de l'humain quand même. Mais il peut parler des problèmes de l'humain. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait que le théâtre marche mieux dans l'esprit du grand public que le roman. Voilà. Parce que les gens, ils continuent de venir au théâtre quand même pour que on parle d'eux, d'une certaine façon. Et curieusement, il disait, raconte-t-on, c'est une des nombreuses anecdotes, je ne comprends pas ce que les gens viennent faire dans les salles de théâtre quand je fais une pièce de théâtre, ça ne concerne que moi. Et oui. Je comprends qu'il ait dit ça. Il disait aussi qu'il ne comprenait pas pourquoi Jérôme Lindon publiait ses textes et qu'au départ il pensait que le pauvre, il allait être ruiné, ce pauvre jeune éditeur, alors à cause de lui. Alors qu'en fait, la maison d'édition ne est née vraiment oui, avec et puis elle ne Beckett. Survit que grâce à quelques auteurs, dont lui. Est-ce que c'est la réalité alors dont nous parle Beckett finalement? C'est pas de l'imagination, c'est de la réalité dont il nous parle, Bruno Clément? Du réel, de la vérité, je ne sais pas quel mot il faut employer, mais avec l'arsenal de langage qu'il invente et qu'il déploie, il est visible qu'il sait parler à l'ensemble des gens qui viennent le voir, et au fond, ceux qui viennent le voir, s'ils viennent, c'est que ils viennent avec faveur, ils l'écoutent avec faveur et ils trouvent leur compte. Alors, est-ce que c'est parce que ça parle du réel ou de la réalité? Moi, j'aurais tendance à dire que non. C'est-à-dire, ou en tout cas, pas seulement. C'est-à-dire qu'il le fait avec des moyens qui sont si surprenants, qui sont si divers, qui sont si risqués aussi, que l'attention en est comme aiguillonnée, comme émoustillée aussi. Mais on peut faire par exemple une lecture de la dernière bande où un vieil homme se réentend enregistré lui-même 30 ans plus tôt. On peut faire une lecture qui est peut-être une lecture basique, mais qui est simplement une lecture sur le temps qui passe et ce qu'on a fait de sa vie. Là, on est tout à fait dans l'humanité. D'ailleurs, le prix Nobel, quand il a été attribué à Beckett, a été attribué au nom de l'humanité de son œuvre. Vous levez les yeux au ciel en 15 secondes, Bruno Clément. Oui, je sais que c'est pour ça qu'il lui a été attribué. Et ce n'est pas infondé, encore une fois, mais c'est vrai que ça fait bon marché du travail d'écrivain. Voilà. Et pour la dernière bande, oui, je crois que vous avez raison, ça doit certainement fonctionner comme ça. Il faut aller voir la mise en scène de Jacques Ozinski de la dernière bande qui va se donner dans quelques jours, qu'il a donné à Avignon cet été, avec Denis Lavant dans le rôle de principal. Magnifique. On ira voir. Merci beaucoup. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et on retrouve tout de suite, pour terminer cette émission, en compagnie des revues. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du magazine L'Express. Par votre voix, Christophe Carrière, bonjour à vous et merci d'être là. Merci. Vous venez nous parler aujourd'hui de la seconde vie des films qu'on dit classiques. Oui, vous connaissez l'adage, hein. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, hein. Ou les meilleures confitures, qu'importe. L'idée est que plus c'est vieux, meilleur c'est, d'où tout l'intérêt du Festival Lumière qui s'est fini à Lyon dimanche dernier, après 10 jours d'orgie cinéphile où se sont mélangés parmi les plus grands noms du 7e art, Francis Ford Coppola, Bong Joon-ho, réalisateur de la Palme d'Or Parasite, mais aussi Alain Chabat, l'incontournable Bertrand Tavernier et une flopée d'autres, tout cela organisé par Thierry Frémaux, par ailleurs délégué général du Festival de Cannes. Différence fondamentale avec le Raoucanois, il n'y a pas de compétition au Festival Lumière. La manifestation est entièrement dévolue aux films de patrimoine, des vieux films donc. Car est considéré comme film de patrimoine, tout long métrage étant sorti en salle il y a plus de 10 ans. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, plus communément appelé CNC. On dit pas vieux film, on dit film classique. Oui, alors lequel de CNC, effectivement, voilà, accorde des aides aux éditeurs qui ressortent en DVD et Blu-ray les dites œuvres de patrimoine, classiques si vous voulez, qui sont forcément dignes d'intérêt ? Puisqu'elle ne date pas d'hier, c'est dans les vieux pots qu'on trouve les meilleurs films. Enfin, pas obligatoirement. Et pour vous le démontrer, je vous renvoie à un autre adage, c'est pratique les adages. La valeur n'attend pas le nombre des années. Les amateurs de vin me rétorqueront que c'est faux, et ils n'auront pas tort. Les cinéphages aussi, qui avanceront qu'un film, décrié à sa sortie, peut très bien devenir culte au fil du temps, voire se transformer en chef-d'œuvre, comme ce fut le cas, entre autres exemples, Citizen Kane, étrillé par la critique américaine lors de sa sortie. Ces erreurs d'appréciation ne sont pas une raison pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes, que pas mal d'éditeurs croient éclairées en parant leurs coffrets DVD ou Blu-ray des plus beaux atours, suppléments à gogo, livrets, etc. Seulement voilà, un film sans intérêt aucun en 1962, 1983 ou n'importe quel millésime reste sans intérêt aucun en 2019. Surtout quand il côtoie dans les rayons d'incontestables bijoux, prenez la boutique éphémère du Festival Lumière en parallèle du marché international du film classique. Voilà, on y vient. Organisé par la manifestation, le seul marché du film de patrimoine au monde, hein, soit dit en passant, on peut être fier. Cette gigantesque caverne d'Ali Baba du cinéphile présentait pas moins de 6000 titres. Et côté nouvelle édition, il y avait du lourd. Hein. Il y avait Scarface de Brian De Palma, un coffret des films de Jean Rouch, Drôle de drame de Marcel Carnet, avec un documentaire inédit sur la collaboration Marcel Carnet-Jacques Prévert. Mais il y avait aussi Extrême préjudice de Walter Reed, L'Africain de Philippe de Broca, Cimetière de Marie Lambert ou encore Terreur à l'hôpital central de Jean-Claude Lorde. Alors autant de longs métrages qui, en ce qui me concerne, m'avaient coûté entre 15 et 20 francs chaque, sans espoir de remboursement en cas de déception. Et dire que j'étais déçu est un euphémisme. Alors m'inciter aujourd'hui à débourser une vingtaine d'euros, 140 francs quand même, pour les avoir chez moi sous prétexte qu'ils sont dans un coffret chic, je trouve ça limite. Maintenant, pour finir sur un autre adage célébrissime, tous les goûts sont dans la nature. Certains adorent sans doute les titres que j'ai évoqués. Et le français collectionneur et cinéphile, ils trouveront preneur ces titres. Et puis il y a des plaisirs coupables. Moi-même, dans ma DVD tech, laissez-moi finir. Je m'enorgueillis d'avoir, entre La peau douce de Truffaut et Pandeléo et Tour avec Eastwood, un coffret Max Pécasse avec, comme il est inscrit dessous en gros, 5 chefs-d'œuvre. Voilà. Donc vous êtes bien sur France Culture. Je viens de citer Max Pécasse, qui appartient donc, comme les autres, au patrimoine du cinéma français. Parce que l'exception culturelle n'interdit pas l'éclectisme. Eh bien, merci Christophe Carrière pour ce plaidoyer enflammé. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Léa Sabourin et Pierrick Monsigny. Demain, on parle du théâtre de Beckett avec Catherine Nogrette.